Wesh, Amir. Ah, t'es chaud, on achève de ce jam. Je suis pas fan, les gars, désolé. J'aime bien, c'est cool, mais c'est pas ma vibe.